Aujourd'hui, le lundi 10 juillet 2023, laissons entrer le soleil, laissons, monte le volume et hume la différence, car c'est parti. May the sun shine in the sunshine. Hume la différence, car c'est parti, mes amis. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Tout est parti. Tout est parti, les petits oiseaux. Les petits oiseaux, ils se sont présentés au début de l'été, là. Avec leurs grandes ailes. Ils sont passés au-dessus de Québec. Juste au-dessus de la belle ville de Québec. Ils ont admiré. Et à chaque année, ils sont là en pâmoison devant notre ville, notre vieux Québec, notre Saint-Roch national, notre Charlebourg, Beauport, Loretteville, Val-Bélair, même Val-Bélair. Les oiseaux sont émerveillés, même devant Val-Bélair. Ça prend-tu des têtes d'oiseaux pour aimer ça, Val-Bélair? C'est beau, là, la nuit, Val-Bélair. C'est beau. Tu passes rapidement pour que ce soit plus beau. Plus tu y vas sans regarder, plus c'est merveilleux. Vaut mieux que je m'arrête. Tout est beau à Québec. Puis si on regarde en dehors de cette belle fragmentation amoureuse, on peut voir l'île d'Orléans jusqu'à la contre-escarpe. Non, mais l'île d'Orléans. Lévis, qui ne monte jamais. C'est rare. On s'appelle Lévis et on ne lévite pas. Ça ne monte pas, Lévis. Oui, si vous prenez la rue Wolfe, il y a une côte. Mais on s'attend, lorsque tu es en lévitation, de surlever, de surmonter. Est-ce que c'est, si je vous dis sustenter, non, ça n'a rien à voir, sustenter, là. Contentez-vous de trouver des mots qui vont élever la ville de Lévis pour dire en sorte que Lévis, c'est fabuleux, mais ça ne lévite pas. Puis vous ne pouvez pas léviter parce que pour admirer notre ville de l'autre côté, de la rive sud, il faut prendre le traversier. En hiver, c'est extraordinaire. En été, on n'en parle pas. Même si on franchit ce fleuve à chaque jour, deux fois par jour, on est toujours ému d'examiner notre ville de Québec vue par Lévis. Alors, si vous êtes de passage au Québec, à Québec, vous êtes des touristes, vous syntonisez CKRL parce que vous savez que c'est la radio qui diffuse autre chose que la médiocrité. Qui sommes-nous pour dire, non, c'est moi, c'est Reynald Gagné qui vient de dire ça, là. Quoique mon émission, pour vous, pourrait ressembler à de la médiocrité. On est toujours dans un seuil de médiocrité pour une personne dans le monde, ou peut-être même plusieurs. On ne souhaite pas plusieurs. On va minimiser ça par une seule personne. Et j'ai voulu commencer ce mois de juillet avec des citations, mais pas plusieurs. On ne commencera pas à partir dans des, dans des dérapages de citations d'artistes, de créateurs, de gens qui ont réfléchi sur notre monde. En parlant de ça, je vérifie sur le... Pardon, normalement, on ne fait pas ça, là, mais sur le calendrier, histoire de savoir si moi... Ouais, c'est ça, la première émission du mois du biais. Non, mais j'en perds des bouts. Je peux pas vous dire pourquoi. Parce que ce serait... Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de parler. Oh! T'essaies de parler. C'est beau, hein? Un animateur qui essaie de parler. Ben oui. J'ai la patate pâteuse. Mais avant d'avoir la patate pâteuse, quatre citations, quatre artistes chaque semaine, ça jusqu'à épuisement du concept. Donc, j'ai évalué ça à Miou. Miou! Miou! Miou! Non, c'est Milou. Milou! Milou! Milou! Milou! T'es tout Milou! Tout Milou! Il est pas là, il est couché. Réveille-le pas, toi là, excite-le pas. Imaginez-vous si à Québec, il y a des chiens qui s'appellent Milou, des chats qui s'appellent Milou. Madame, mademoiselle, monsieur. Place sur leur circuit radiophonique, CKRL 89.1. Et là, on entend le nom Milou. Imagine-toi le Milou, le poisson rouge qui vire partout parce qu'il se reconnaît. Il passe à la radio. Ah oui, tu passes à la radio. Comme à l'agneau. Citation cette semaine pour commencer en force. Jacques Brel. Tout est parti de cette phrase de Friedrich Nietzsche. Des femmes, des hommes, des donneurs de Dieu. Non, c'est quoi? Des femmes, de la bière. Des femmes peuvent très bien lier amitié avec un homme, mais pour la maintenir, il y faut peut-être le concours d'une petite antipathie physique. Friedrich Nietzsche. Brel a comme mijoté ça dans sa tête de grand homme langagier. Il nous a pondu 10 citations. Aimer jusqu'à la déchirure. Aimer, même trop, même mal. Tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Bien sûr, c'est la chanson La Quête. Une autre citation. On n'oublie rien de rien. On n'oublie rien. Non, je suis en train de chanter la chanson. On va lire. On n'oublie rien de rien. On s'habitue. C'est tout. Jacques Brel. On n'oublie rien de rien. Les hommes ne disent que des bêtises quand ils parlent des femmes. Par contre, les femmes ne disent pas toujours des sottises quand elles parlent des hommes. Pourquoi tu as dit ça de même? Thank you. venger contre toi. J'ai pris ce droit. Les hommes ne disent que des bêtises quand ils parlent des femmes. Par contre, les femmes ne disent pas toujours des sottises quand elles parlent des hommes. Extrait de l'émission Radioscopie, 21 mai 1973. Radioscopie animée par... Je vous laisse travailler un peu. Donc, je vous offre un silence. Radioscopie. Qui animait, réalisait, produisait Radioscopie? Ça parle beaucoup, là, hein? Ça discute. Jacques Chancel! Les hommes prudents sont des infirmes. Jacques Brel, cité par Marc Robin dans Grand Jacques. Les feuilles sont collées, Raymond. Qu'est-ce que t'as fait avec ça? Là? Je t'ai vu partir dans la salle de bain. Pourquoi les feuilles sont collées, moi, Raymond? Tu l'aimes, Jacques Brel? D'un indicible amour? Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Je t'aime. Tout le monde me fait le rêve, mais c'est pas bien pour des amants. Mais n'est-ce pas le pire piège de mourir ensemble pour des amants? Bien sûr, on va perdre du temps, on va vas-y, va tomber dans une vas-y, on veut dans une toile. Ça ressemble pas à l'origine, hein? Pas à l'origine de la peinture, là, mais à l'origine de la chanson. Tu as bifurqué. Quand un homme n'a pas peur de coucher avec une femme, c'est qu'il ne l'aime pas. Jacques Brel, cité par encore Marc Robin dans Grand Jacques. Heureux les amants séparés et qui ne savent pas encore qu'ils vont demain se retrouver. Jacques Brel, la parole de la chanson Heureux. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Jacques Brel, extrait de l'émission télévisée Jacques Brel parle. Malheur à qui peut préférer le verbe être au verbe avoir. Je sais son désespoir. Brel, la chanson Chacun sa Dulcinea. Dulcinea, tu le dis pas, c'est Dulciné. Oh! Puis le A dans. Ouais, là, ça va bien? Ouais, dans, oui. Dans la bretelle de Marie, je reconnais le doux chagrin. Sous la bretelle de Marie, je vois venir mon doux chemin. Mais si tu passes en attendant, n'arrête pas sur le sentier, car tu peux me retrouver avec l'ancien de vérité. Et si un soir tu es encore... Tu es encore. Et si un soir, tu es encore, tu es. Et si, excusez-moi de la liaison malfamée. Malfamée, ben ouais, à la fin, à la fin. Si tu es encore, tu peux si vite de mort. Et ça vient, merci. Mais il n'y a pas de B. Il n'y a pas de B, il y a juste des tomates tranchées. Pour la première fois cet été, j'ai décidé de faire pousser de la tomate tranchée. Ça s'est jamais vu. J'ai toujours fait des choses qui se sont jamais réalisées dans le monde entier. On n'en parle pas. C'est bien beau que ce soit underground. À un moment donné, il faudrait réveiller quelques membres du savoir. Pour leur dire, hey, il se passe, il y a un gurlot-burlot, lui-là, là, qui fait des expériences. Il en parle à une émission expérimentale qui s'appelle Reynald, Sauvez-moi du mal, sur ses KRL. Ça lui donne des ailes, ta station-là. Et monsieur, ça ne stationne pas trop. Non, moi, j'ai la difficulté à stationner en tranchée. Moi. Mais par contre, mes tomates tranchées qui vont voir le jour là, au mois d'août, au mois d'août, seront, j'espère, un grand succès pour l'automne qui viendra dans quelques mois. Eh, ne passe-nous pas l'automne, on est en plein été, là. Parle-nous pas de malheur. Ben, c'est pas un malheur, c'est une saison, ouais, une saison maléfique. Hein, maléfique. Ah. En tout cas, j'ai moi-même décidé de lancer une nouvelle façon de cueillir la tomate. Ben, surtout de la faire pousser. Et c'est la tomate tranchée. Là, vous allez me dire, comment tu fais pour placer une graine qui va faire en sorte que la tomate, lorsqu'elle s'épanouira, elle est dans la terre au début. Moi, je prends mon doigt. J'ai toujours... Oui, mademoiselle, j'ai... Madame, j'ai jamais fait de prison. Non. Pourquoi? Pour le doigt magique. Oui, mais j'ai le pouce vert, puis j'ai les doigts fabuleux. Les doigts fabuleux. Fabuleux. Un doigt fabuleux. Pour qu'elle devienne magique, ça vient... La magie, là, c'est comme le reste. Qu'est-ce qu'il faut dire, là? Non. La magie, c'est comme le reste. Ça se développe. C'est pas, là, des saintetés, des saint-esprits qui vont rentrer dans l'emprise de ces 10 doigts-là, là. Loin de là. C'est du travail, c'est de la détermination, c'est aussi de la répétition à volonté. Ça devient presque mentalement impossible à vivre un individu comme moi-même. Mais mon invention de la tomate tranchée fascinera et deviendra, comme le velcro, une mode, même pas une mode, deviendra un standard sociétal. Si vous connaissez des agriculteurs, des agricultrices, envoyez-moi leurs coordonnées puisque je vais leur offrir, pas gracieusement là, quand même, si je fais des tibidous, c'est KRL en recevra des parts. Ben beau avoir de l'intelligence, moi c'est ça là. Là-dedans, là, dit-il en se pointant les deux doigts, en plaçant les deux doigts sur ses tympans, les tympans. Moi, j'ai des yeux, là. juste en haut des yeux, là, j'ai comme deux rondelles. C'est, moi, j'appelle ça des tympans. Puis on m'a dit que tout le monde appelait ça des tympans. Alors, je dois trouver un autre nom, parce que je veux pas suivre tout le monde, moi. Alors... Ouais, mais... Des tympans... Il faudrait que ce soit poétique. Oh! Okay, voilà. Voilà. Ce sont, au lieu comme la majorité du peuple, pour eux, ce sont des tympans. Mais pour moi, ce sont des velours. Velours. Velours. Ce sont des velours. Attendez, ça s'en vient. Des velours. On peut peut-être changer velours parce qu'on dirait que ça ne s'en vient pas. Des velours. Velours. Oh, velours. C'est... Pierre Foglia! Lorsqu'il a fait une rare... Pierre Foglia, lorsqu'il a fait une de ses rares entrevues à la télévision, a dit « J'aime pas ça réfléchir devant vous, j'ai pas l'air intelligent. » La preuve, hein? Si je suis pas là, le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. La voisine arrive de nous autres parce qu'elle a 12 enfants. Elle a changé son fusil d'épaule à cette heure qu'elle en a autant. Attends-moi, petit gars, velours, velours. Velours, rock velours, non. Sonia Benez. Ah non. Sonia Benez. Ben, je suis noir. On est en faire de l'interlude, non? Mais c'est parce qu'on va trouver l'affaire, là. On va trouver la... Le punch! Je suis un puncheux, moi. Oui, c'est un puncheux en puncho. Lâche le puncho, si on enlève le... T'es-tu aussi un puncheux puncho de... dans un punch? Ouais, mais là, le punch, c'est quand on fait des méga fêtes, là, puis mieux vaut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le punch. Mais moi, je suis un punch, j'ai un puncho, je ne suis pas un puncho quand même, là. J'ai un puncho sur mes épaules. Tympan. Ouais. On va oublier ça. Ça s'en vient pas. Ça vient pas. C'est rare que ça vient pas. Moi, là, je tiens à vous dire que... Oh oui! On va changer ça pour... Moi, j'ai pas des tympans. J'ai des microprocesseurs. Oh, c'est juste pour ça? Ben oui, des microprocesseurs. On va enlever le feutre, là, mais microprocesseurs. J'ai des microprocesseurs qui procèdent autrement. Ah, c'est de là, là. Et dans le procédé, c'est ça qui m'allume, procédé, là. Moi, je suis allumé, là. Je viens d'être allumé depuis que j'ai trouvé processeur. Donc, mon procédé de mes graines qui feront des tomates tranchées, je vous dirai pas la composition. On revient à tout à l'heure, les dibidous, je vais avoir les dibidous. Pas pour mon argent personnel, j'en ai pas besoin. Je suis un pauvre mendiant qui me contente de pleu, de pleu. Mais il pleut assez comme ça, là, mais le peu amène autre chose. Amène l'ouverture. Quand t'en as pas beaucoup, tu veux en donner aux autres. Quand t'en as beaucoup, tu t'arrêtes sur le confort et l'indifférence. Tu t'arrêtes sur ton confort, là. Ils ont juste à faire comme moi, là. Ils ont juste à se lever le matin et aller travailler, là. Ils ont juste. Ils ont juste à se faire suer le front, là, puis moi, c'est pas arrivé de même, moi, là. Ça vient pas du ciel, il y a de l'acharnement, là. Mais non, c'est pas un matin, je me suis dit, là. À la naissance, j'ai forcé. Plus que ma mère, là. Ma mère est une feignante, là. Oh, oui, elle était là. Sinon, c'est moi qui vais sortir. Elle force pas à faire rien, là. C'est de là les doigts magiques. J'ai comme étiré la peau. Là, j'ai regardé. Hey, monsieur, j'ai vu le docteur. C'est pas son premier accouchement. Je pense que ça fait à peu près 50 heures qu'il fait ça. Comme les 50 heures du Radioton. Le gars, il est au bout de la patate, là. Il est au bout de la tomate tranchée, là. Donc, je serai la première graine à sortir et à faire ce merveilleux fruit que l'on appelle la tomate. Mais pas ronde, mais pas italienne, pas grelot, mais bien tranché. Mais pour ne pas que je m'éparpille, histoire de faire peur au médecin qui, lui, n'a jamais vu ça. Lui, il se fait à ses livres. Page 53, l'accouchement devrait être normatif. Donc, sans aucun problème. Si les fesses apparaissent, mettez un masque. Il y a des petits vents gastriques venant du poupon qui pourraient me pomponner le cheveu. Moi qui ai déjà... vous le saviez? Des implants, je me suis... Puis imaginez-vous si je me fais gazer par un nouveau-né. Vous allez me dire, j'ai le salaire. Ben oui, j'ai le salaire de me faire placer des cheveux sur le coco. Mais effectivement, je ne nie pas le prix de main. Madame, ne soyez pas aussi difficile à dur avec moi. Vous êtes très dur avec moi. C'est la douleur que ça procure de se faire placer des cheveux, là. Un par un. Fait qu'à chaque fois qu'il rentre l'aiguille, aïe. Mais là, comme je suis un médecin, je fais ça de l'intérieur, moi. Des fois, l'intérieur souffre à l'extérieur, mais c'est si peu. C'est un peu comme, vous savez, là, nous sommes dans le... Oui, il y a de la boue. Ça fait des petits pets de boue. Mais c'est ça. Alors, il y a des mots, là, des à un moment donné, ça, c'est trop fort, là. Puis si c'est pas un nourrisson, il est pas encore au monde. C'est entre le fêteux puis le bébé, là. Oh, regarde ses fesses. On sait que si force plus... Je veux pas déchirer mon mari, moi, pas ça. Ben ouais, t'es même pas marié. Ben mes maris va prier pour toi. Non, pas ma mère. Non, pas cette Marie-là. Mes maris. Vous avez eu plusieurs maris, oui. Ah, j'en ai. Marie et les limbes du pain scifique. Du pain scifique? Ah oui, du pain. Des pains en fesses. Le pain en fesses, mais c'est le pain que vous voyez, mais c'est pas un pain de fesses. C'est les fesses de mon bébé. OK. Là, quand tu dis OK, ça veut dire que dans ta tête, là, tu vois l'énormité, la grossièreté ou même l'extravagance de ce qui vient d'être dit. Puis au lieu de dire hein, tu dis OK. Tu sais, le OK, 3 points de suspension. En voulant dire, ouais, va donc plus loin ou arrête-toi là. Tu vois que ça n'a pas de bon sens ce que tu viens de dire ou dans quel monde tu es et moi, comment puis-je faire pour franchir le même niveau, la même longueur d'onde? Il y a comme une petite interrogation. Là. Où est la normalité? Il n'y en a pas? Oh! Ça va devenir une belle émission à CKRL, ça? Il en faut comme ça? Comment vous avez fait pour arriver à ça? Ah, mais moi, ça a été très, très simple. Très, très simple. Je me laisse aller. Ben oui, mais si tu te laisses aller, tu vas faire travailler ton bébé. Oui, mais à un moment donné, moi, là, je vais travailler pour le fabriquer. Ah oui? Comment t'as fait? Ah, parle-moi-en pas. Quand on dit parle-moi-en pas, là, ça veut dire qu'elle-même, c'est pas... quoi répondre à ce sujet-là. Ah, parle-moi-en pas. Oh, je vais t'en parler. Ah, non, parle-moi-en pas. Non, je vais t'en parler. Comment t'as fait pour le fabriquer? Ben, tu veux depuis le début? Oui, à l'origine. Oh, on a parlé de l'origine. Régine, la voit bien. La chanteuse Régine, là. Régine, on peut plus aller manger chez Régine. Régine a fermé son restaurant. Pourtant, ça fonctionnait bien, Régine. On peut dire qu'aujourd'hui, Régine est au régime. Oh! Oh, oh, oh! Merci. Oh, on l'applaudit. Régine est au régime. Oh, arrête de la dire. Oh, Régine est au régime. Régine est au régime. Régine est au régime. Régine est au régime. Tam ta la la la dam ta dam régine tout régime pa la la la dam ta la la la dam ta la la la dam régine tout régime pa la la la dam régine tout régime tout le temps ben depuis qu'elle a fermé son restaurant. Ça fait que les tomates tranchées, bébé travaille puis maman relaxe. Ça, c'est une nouvelle façon de mettre au monde sans souffrance. Je vous conseille fortement la piscine. Il paraît que l'eau dans l'eau, ça glisse. C'est-à-dire que l'eau, l'intérieur de votre ventre, maman, et l'eau de la piscine, ça sort sans douleur. As-tu essayé pour dire ça, toi, mon noyau? Mon noyau, non, j'ai les cheveux châtains. Mon châtaignot! Mon gros nono, mon insignifiant, ma trompe profonde, mon incollabateur. Hey, monsieur, ça va mal? Non, c'est madame. Madame, ça va mal? Ça va très mal. OK. Comment ça va mal? J'écoute une émission d'insignifiance nerveuse. Oh! Alors là, le bébé a commencé, là, je te dis, son travail. La mère, elle, ses vacances. Elle dit, oh non, je sais qu'après tout ça, après le couchement, ce sera pas facile. Fait que là, j'en profite pour fumer, pof par pof, parce que hey, pendant 9 mois, j'ai arrêté de fumer. Mais là hey, j'ai de l'accumulation de 9 mois à pomper. Ben oui, il n'est pas sorti encore. Hein. Il va sortir, il va avoir tellement de boucan, là. Hein. C'est comme les tueurs en série, c'est comme les malfrats qui sont emprisonnés dans une... qui sont confinés dans une maison pour emprisonnés. Confinés pour les faire sortir. Ah ouais, donc, on en ouais quoi? De la boucane. Il va sortir, il va s'étouffer. Fait qu'à moi, ces hommes ont commencé à fumer. Travaillerai pas, moi, fumer. Puis là, il va avoir de la boucane là-dedans, dans le ventre. Là, puis il n'y aura pas le choix. C'est le premier enfant qui est venu au monde avec une cigarette. Je l'ai attrapé! Je l'ai attrapé! Il a commencé à fumer. C'est devenu un politicien, René Lévesque. Bon, cette histoire-là est bien sûr une invention de ma part. Si toute ressemblance ressemble à votre panache, écrivez-moi. Je vous conseillerai un bon psychologue. Sinon, mes tomates tranchées, comment tu fais pour que ça se tranche lorsqu'ils sortent de... Oui, mais c'est ça. On était rendu à la graine. Oh, c'est toujours la graine, hein? La vie part de la graine. Pas de graine, pas de vie. Pas fou, là! Pas de graine, pas de vie. Puis là, on parle pas de grosseur de graine, on s'en balance, là. Des petits pots, les meilleurs onguents. Oh, t'es encore... quoi? Je fais ma publicité. OK, vas-y. Madame, mademoiselle, la petite graine a aussi son importance que la grosse graine. Mais pour mes tomates tranchées, qu'elles soient petites ou grosses, cheveux raides ou frisées, j'ai tout envie de les embrasser, les dames. Oh, je pensais les graines. Non, non, non, les graines, c'est sec. Faut pas embrasser ça. Faut les mettre ça sous la terre, mais avec mon doigt magique, à 3 pouces. Fait que là, t'en as juste deux sur les deux bras. Là, c'est bien, là. Mais tu prends pas ton pouce pour compter 3 pouces, là. Tu prends ton majeur, tu le plantes. Quand t'es rendu au bout, là, ça fait 3 pouces. Comment t'as fait ça? Ben, j'ai coupé mon majeur à un moment dans une grande une fête, une surboom, pour épater la puncheuse, la fille qui était au punch. Pas qui, non, au punch, aux abreuvoirs. Puis là, je lui ai dit, moi, mon majeur fait 3 pouces. Elle dit, comment ça? Ben, j'ai arraché le pouce. Elle a crié, le son est tombé dans le punch. Et puis, ben, moi, j'ai pris le micro, j'ai dit, écoutez, buvez ça en tous, ceci est mon sang, livré pour créer une société meilleure. Au contraire, mettre fin à cette vie des plus excitantes. Et puis, on sait pas, ça peut être contaminé. Sans là, moi, je fais des années, je peux aller vérifier. Moi. À 20 ans, j'ai fini les hôpitaux. Plus rien. Plus rien savoir. J'y vais pour les autres, mais pas pour moi. Mais là, arrête de t'étaler, mon champion, puis dis l'histoire de... Ben, c'est ça, la graine, OK? Tu plantes ta graine. Que moi, je vais vous proposer, là, que je vais vous vendre. Parce que c'est pas n'importe insignifiante graine que vous allez mettre là. Si vous voulez avoir de la tomate tranchée, si vous voulez avoir de la tomate ordinaire, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est pas mon problème. Donc, ma graine à moi et mes graines à moi, parce que j'en ai plusieurs, sont traitées autrement. Donc, tu la plantes à 3 pouces. Tu recouvres, bien sûr. Non. Ne pas imbiber d'eau. L'humidification va se faire par... La mère Théo, c'est la mère Théo qui décide. C'est elle qui va... Si elle prend 3 semaines à mouiller, ça prendra 3 semaines à mouiller, elle n'est pas pressée. une tomate nonchalante. La nonchalance n'a pas sa place. Mais dans mon cas de tomate, c'est très important. Puisque, un peu comme la jeune fille, la dame, elle veut se faire attendre. Lorsqu'il y a une attente, il y a un désir. Comme la fleur de Saint-Exupéry, le désir de plaire. Donc là, au début, vous allez voir deux petits yeux, ça ressemble à deux petits yeux, qui vont monter lentement vers le ciel. Et là, la tomate commence à se trancher parce qu'elle s'épanouit, elle déchire sa peau en disant « Oh, qu'il fait beau au Québec, qu'il fait bon vivre! » Et là, la pluie va tomber dessus. Et comme il y a des petits filaments qui la recouvrent, c'est la pluie qui va créer les césures. De là, mes tomates tranchées. Mais pour en arriver à ça, il faut traiter la graine. Et c'est moi qui ai la recette. Jacques Brel? C'est un malade. Non, non, je viens de trouver quelque chose. Je viens de trouver la forme pour changer notre société, surtout la salade. Non, on va aller plus relax. Là. Une salade, pas le panier, là, mais la petite salade. Bon, le secret, c'est la vinaigrette. Mais là, dorénavant, à partir de maintenant, au mois d'août, mi-août, mes tomates tranchées... Such en fureur. Heureux les amants, on l'a dit. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Jacques Brel, extrait de l'émission télévisée Jacques Brel parle. Malheur, qui peut préférer le verbe être au verbe avoir. Je sais son désespoir. La chanson, chacun sa dulcinée. On était rendu là. L'autre, c'est du nouveau, là. Tout ce que... Il vient de s'en rendre compte. Non, c'est pas ça. Je voulais reprendre pour que la locomotive poursuive son trajet. Il faut pas continuer au juste mot. Il faut comme enrober, là. OK? Tout ce que l'on cherche à redécouvrir fleurit chaque jour au coin de nos vies. On n'est pas loin de ma tomate tranchée. Ouais, celui-là, il y en manque un bout, donc je ne le dirai pas. Mais n'est-ce pas pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, la chanson de Jacques Brel, la chanson des vieux amants. Les enfants, c'est le dernier poète d'un monde qui s'entête à vouloir devenir grand. Un enfant, c'est le dernier poète d'un monde qui s'entête à vouloir devenir grand. C'était Jacques Brel. Et là, je vais vous relaxer les oreilles avec une chanson, donc le générique d'une mélopée que nous entendrons dans quelques secondes. Passe le magnéto, Raymond, passe le magnéto! I stopped and smiled at her. She's feeling my way. Aujourd'hui, comédienne, écrivaine, rédactrice, Sonia Palvic. Je la suis depuis très longtemps, nous nous suivons. Et c'est avec grand plaisir que nous allons croiser le micro et vous présenter ça dès maintenant. Sonia Palvic, à toi ma belle. Avec sa foule des quatre saisons et du crêpe dans son peignoir, sur ses échasses de béton, dans les faubourgs du désespoir, elle meurt, sa mort, la mort, elle meurt. Avec ses cordes pour la pluie, à encorder les poitrinaires, ses poumons de cendre qui prient dans la soufflerie des mystères. Dans le courroux, en mettant du noir sur les yeux et du sang frais sur les cailloux, elle meurt, sa mort, la mort. L'hôpital meublé de ces gens, dans les salles où dorment les chromes, avec son fils et ses gants blancs. puis surtout le côté absurde, pourquoi on vit pour mourir. Ouais. Et allons-nous bien remplir ce moment-là avant de partir? Ben, c'est ça, ben, c'est pour ça que pour moi la spiritualité ça m'aide beaucoup. Tu vois, ça permet de donner du sens et ça permet aussi de prendre de la distance où tu te dis, ben voilà, je traverse des épreuves pour apprendre, pour expérimenter. Pour devenir plus grand, pour c'est ça, plus, ouais. plus autrement pour être. C'est ça. Et bon, ben en fait, ce qui compte pour moi, c'est. C'est d'être heureux. Ben, oui. Ben, en fait, il y avait un moment où je pensais vraiment que c'était d'être heureux, tu vois, qui était important. Et oui, c'est important, et oui, j'ai envie de l'être. En revanche, il s'agit aussi parfois d'accepter que ça va pas être facile. Et que si on veut obtenir certaines choses, ben, parfois, il faudra être dans une situation très inconfortable. Et voilà, mal à l'aise. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a des moments où je me suis dit, ça vaut pas le coup quand même, tous les efforts que je fais par rapport à ce que j'obtiens en retour. Et de cette situation-là, je me disais, ben, mon bien-être prime. Donc, je vais arrêter ou je vais faire autrement. Mais oui, et puis en fait, j'ai entendu que de toute façon, plus tu vieillissais, plus tu étais heureux. Que tu avais l'hormone du bonheur que tu sécrétais plus. C'est de qui? C'est les scientifiques. Ah, je pensais que c'était France Culture. C'est des études. France Culture, oui. Ah, oui, bon. Non, c'est sur France Info que j'ai entendu. Okay. Ah, c'est une information. Ouais, c'est une info. Que Vladimir. En fait, plus tu vieillis, plus tu sécrètes naturellement des hormones du bonheur. Ah, okay, c'est biologique. Ouais, c'est biologique, quoi. Ouais. On devrait vendre ça en pharmacie. C'est ça. Extra dose. C'est ça. Comme la gourou. Ouais. Mais si tu veux, moi, il y a des moments où... Est-ce que tu connais ça, la gourou? Ah non, je connais pas la gourou, non. OK, ben, Red Bull, tu sais. Ah, c'est Red Bull, ouais, OK, d'accord. Ben, c'est une boisson énergisante. Ouais, c'est énergisant. Bah, en fait... Ah, tu vois ça, toi, le gourou? Oui, c'est ça. Non, c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur le... Oui. Non, c'est Red Bull. Et puis, en fait, tu vois, c'est le bonheur aussi, pour être apprécié. Il passe aussi... Enfin, moi, je sais que de vivre des choses très difficiles, ça m'a permis d'autant plus d'apprécier les moments où je vivais des choses très agréables. Mais bon, après, je dis pas qu'il faut... Très simple. Très simple. Très agréable. Parfois aussi, c'est compliqué, mais c'est agréable. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Pour moi, c'est juste... la vie, c'est dans la variété et dans la variation et dans la complexité. Et disons que parfois, oui, c'est le bien-être qui va primer, parfois ça va être le bonheur, parfois ça va être l'argent, parfois, enfin tu vois, c'est, on n'a pas toujours le même entre guillemets, besoin principal en fait, ça dépend. Il y a des fois, on sera plus heureux de faire quelque chose qui nous épanouit moins, mais où il y a de l'argent. Tu vois, c'est dommage, ce que ça peut faire. Hein, c'est... Bah ouais, mais c'est... C'est viscéral. Alors. En même temps, tu vois, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des gens, ils vivront... Et moi, j'ai pas toujours les mêmes besoins. Il y a des fois où je me satisfais de très peu. Il y a des fois où je peux plus. Enfin, tu vois, ça me frustre trop. J'ai besoin de gagner plus d'argent. On n'a pas forcément... Et il y a des personnes qui sont... pour qui c'est pas un problème de gagner peu. Il y a des personnes qui se satisfont naturellement de très peu. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup d'argent pour se sentir à l'aise. Enfin, pour paraître, ouais. Donc, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et Dieu merci. Et moi, c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais hyper contente, sans gagner beaucoup d'argent. Et je me satisfaisais amplement de ce que j'y vais. Je trouvais la richesse dans l'expérience. Et puis il y a des moments où j'étais, en fait, je préfère gagner de l'argent. Enfin, c'est ça ma priorité en ce moment. Tu vois, donc ça varie, en fait. Et avec les années, est-ce que tu essaies de ramasser un peu d'argent pour tes vieux jours? Ah oui, je mets de côté. Il faut? Ouais.

Hein? Du spritz. C'est du spritz, c'est quoi du spritz? Le spritz, tu connais pas, c'est un cocktail à base d'apérol. Non. Bah écoute, pour moi, ça symbolise l'été. C'est alcoolisé? Les terrasses entre amis. Oui, oui, oui. C'est sympa, c'est bon. C'est, la couleur? C'est orange. Ah oui? Tu vois, c'est un côté très italien. Ok, ok. Ça vient de Milan. Oh. C'est, voilà, c'est un côté pétillant. Ils en vendent partout? Ah ouais, ils en vendent beaucoup, c'est très à la mode. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais? Ok, alors toi tu es à la mode. C'est ça, je suis à la page. Ouais. À la page. Si tu étais une ville. Bah là, pour le coup, ça serait Paris, ouais. Ouais. Ouais. Bah du coup, avec le confinement tu sais, le fait de moins voyager, j'ai beaucoup exploré Paris je crois que maintenant, je connais encore mieux Paris qu'avant, ouais. Tu prenais des photos? Ouais, j'ai pris des photos aussi, ouais, pas mal. Là, tu te prépares à des vacances? Est-ce que tu veux rester à Paris? Non. Non, non, je vais partir un peu. Où? En Bretagne et à Cannes. Ouais, à Cannes, ouais. Pour ta mère. Ouais, c'est ça, ouais. Bretagne, ouais. Pour rencontrer des amis? Oui. Alors, ça peut être des vacances qui te coûtent cher parce que tu vas te faire inviter par tes... Bah, en fait, là, c'est vraiment... tu vois, j'ai fait mes vacances pour qu'elles me procurent de la joie et du repos, mais aussi avec des contraintes économiques. Oui, mais c'est, bien aussi. Ouais, ouais. Tu pars quand? Bientôt. OK. Ah, c'est pas encore défini. Ouais, voilà. Bientôt. Mais bientôt, c'est bien parce que ça veut rien dire. Puis ça c'est ça. C'est ça. Si tu étais une langue. C'est ça. Quand, je dirais toujours, quand quelqu'un vous dit à très bientôt, à bientôt, sans date, sans dire, sans proposer de rendez-vous. On va se revoir, mais on sait pas quand. Ouais, voilà. Et parfois, moi, je me dis, bon, bah, mieux vaut laisser tomber, quoi. À très bientôt. Tu vois, enfin, en fait. Tu me diras, ça dépend de qui l'aimait, mais souvent, si la personne, elle te dit pas, elle te propose pas une date derrière, okay. Moi, je trouve que c'est quand même, en général, une petite fuite, quoi. Ah, ouais? Ouais. Élégant. Ouais. Mais souvent, on sait pas non plus la date. Hein. Oui. Si moi, je te dis à bientôt. C'est vrai. Ça peut prendre 2 ans comme ça peut prendre... Tout à fait, ouais. Ouais. Ouais. Oui, mais ça dépend qui, c'est des personnes. Ah oui, ok, ok. Tu vois, tu sais, il y a des personnes, elles te disent à bientôt, parce qu'en effet, elles ne savent pas encore la date. Mais voilà, il y a des personnes, tu vois, c'est une stratégie. Oui, en gros, reste quand même dispo, mais je sais pas quand est-ce que j'ai appelé, quoi. Et du coup, voilà, je dirais, méfions-nous. Attends, mais tu peux attendre longtemps. Ouais, c'est ça, ouais. Si tu étais une langue... En ce moment, j'apprends l'italien, alors je dirais l'italien. Ouais. Tu vas avec la boisson que tu adores? Ça, bah ouais, parce que je trouve ça trop beau, l'italien. J'adore et j'ai un peu de son italien. Alors tu vas rencontrer une italienne? Ah bah peut-être, on verra. Tout est ouvert. Tout est ouvert, ouais, c'est ça. Si tu es disponible, si tu étais une époque? Bah l'époque actuelle, puisque je dis tout le temps qu'il s'agit de vivre dans le présent, du coup je vais pas t'en dire une autre. Ah bah oui, c'est vrai, il faut bien que tu suives tes doctrines. C'est ça, ouais. Ah oui. Si tu étais un mot? L'éternité, parce que c'est un mot qui figure dans un des poèmes que je préfère, d'Arthur Rimbaud. Ouais. Ouais. Tu as rendu hommage à Rimbaud il y a quelques années. Oui, ouais. C'est un collectif. Ah non, tu étais seul, hein? La revue Oui, Rimbaud? Oui, c'est... Tu étais seul ou c'est un collectif? Alors, c'est moi qui dirigeais la revue. Ah oui, c'est ça? Ouais, ouais. Elle s'appelle quoi, 5 ans? C'était en 2017, donc ça fait 5 ans. Ah oui. Bravo, Rénal. Non, t'es bien renseigné. Non, mais je suis allé à la maison. Ah, c'est génial. Ben oui. Mais j'aurais tellement dû t'apporter autre chose. Sur? Ben, ou sur Balzac ou sur La Fontaine. On se reverra. Ben, c'est ça. On se reverra bientôt. Oui, c'est ça, bientôt. Alors, un mot, c'est éternité. Ouais. Moi, j'avais demandé, quand ma mère pouvait parler, qu'est-ce qu'il y avait après la mort. Elle m'a dit la survie. Et je lui demandais de me nommer les 4 saisons, l'été, le printemps, l'été, l'automne et février. Oh, c'est beau. C'est joli. Ah, des fois, c'est surprenant. Hein? Ah, ouais. Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés.

OK. Il répétait tout le temps un peu la même histoire. Lui était persuadé qu'il voyait des gens par la fenêtre ou qu'il fallait prendre le train. Tu sais que ça, c'est des cycles qui durent 2 mois et 2 semaines. Après ça, on passe à autre chose. OK. Pourquoi 2 mois et 2 semaines? Ben, il y a un professionnel québécois qui a travaillé sur l'Alzheimer, dont j'oublie le nom, et ma sœur est aide-soignante. Et puis, elle a étudié ce monsieur, et moi, j'ai pris des notes et j'ai lu tout ce qu'il a fait. Et c'est un TOC, on appelle ça un TOC, qui dure deux mois et 2 semaines. Ah, c'est dans le cycle? Ils ont fait ça sur 5000 Alzheimer. Ah, et c'est étonnant. Deux mois et 2 semaines. Bah, alors ça, le truc de prendre le train, ça a duré très longtemps. Ah oui? Ouais. Ah, mais peut-être aussi, ça peut être une fixation. Oui, c'est une fixation. Et en fait, moi, ce qui m'a fait vraiment rire, ça, c'était la situation la plus comique en EHPAD. Enfin, il y avait pas mal de situations comiques, tu vois. Quand même, enfin, c'est un côté drôle, hein. En fait, c'était. Ça nous ramène à notre humaine condition où on est drôle malgré nous, quoi. Et en fait. Ouais. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que. En fait, il s'est fait un copain en EHPAD où c'était aussi un homme d'affaires et en fait, ils parlaient des affaires respectives qui passaient, c'était des contrats qui se signaient. Ah oui. C'était génial à écouter, ouais. C'était du surréaliste. Ah ouais, c'était du UNESCO. C'était vraiment. T'aurais dû prendre un magnéto. Ah ouais, c'était vraiment hyper drôle. Ouais. Ah ouais. Moi, j'ai beaucoup enregistré. Bah, je comprends, ouais. Parce qu'elle m'a sorti une chanson qu'elle n'avait jamais chantée lorsqu'elle était normale, pas malade. Et c'était le Moussaillon. Ça fait partie de... Tu la connais, la chanson? Non, je la connais pas. C'est de la bonne chanson. Ça fait partie de la bonne chanson. OK. Ça, c'est un livre des anciennes chansons. Je connais pas la bonne chanson, d'accord. C'est un cahier de la bonne chanson, la vieille chanson. Et puis, à un moment donné, il y a un chanteur québécois qui s'appelle Jean Lapointe qui fait plusieurs petites chansons de la bonne chanson. Et la première chanson, c'est ça. Je l'avais jamais entendu chanter, cette chanson-là. J'avais amené mon magnéto, je l'ai parti et je l'ai gardé. Je la pense quelques fois à mon émission. Si tu étais un aliment. Un concombre, parce que c'est rafraîchissant. Oui. Anglais? Ouais. Concomber. Concombre comment? Un concombre, ouais. Un concombre, oui, mais parce que nous, on a des concombres anglais. Ah bon? Qui sont beaucoup plus longs. Un concombre traditionnel, nous, c'est à peu près long comme ça. Ah oui, ben alors en anglais, ouais. Oui, un concombre anglais. Okay. Et c'est très juteux, c'est très... Oui. C'est comme un melon miel. C'est ça. C'est super. Ouais, l'été, ça fait du bien. Moi, j'adore en manger l'été. Il faut faire attention parce que c'est dur pour l'estomac. D'accord. Ouais. Il faut que ce soit vraiment assez très bon. Ouais. Tu étais une saison. Le printemps. Pourquoi? Parce que c'est la saison de l'espoir, du renouveau, c'est le moment où tout est permis. Puis tu vois, tu as ce plaisir de sortir de l'hiver et qu'il fasse de nouveau beau. Et j'aime bien la température. Tu vois, l'été, pour moi, il fait un peu trop chaud, mais le printemps, j'aime bien. Ok. Ouais. Si tu étais un membre corporel. Une main. Mm-hmm. C'est essentiel. Oui. Si tu étais un moment de la journée. La journée en entière. Ah oui? Ouais. Ah toi c'est tout. Tout, ouais. Ah toi c'est pas à peu près. C'est ça. Ouais, je prends l'ensemble. Si tu étais un autre individu. Un autre être ou un autre individu? C'est comme tu veux. Enfin, c'est forcément un humain ou... Comme tu veux. Ben, en ce moment, j'aime beaucoup garder Izzy et du coup, j'aimerais bien... Izzy, donc, c'est la cavalière King Charles et j'aimerais bien être dans sa tête pour savoir comment, tu vois, elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent, etc. Du coup, j'aimerais bien faire l'expérience. Ouais, mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps, ouais. Mais ça me plairait de voir, tu vois, comment c'est quand on a un chien, est-ce qu'on perçoit les mêmes choses qu'un humain, ouais. Quels sont, ça j'aimerais bien. Est-ce que tu, tu essaies, est-ce que tu essaierais de t'enjôler? Ça veut dire quoi, enjôler? Enjôler de t'attirer, de... Si toi, tu serais le chien, OK? Est-ce que tu voudrais aller vers toi, toi humain? Bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah écoute, j'ai l'impression que Izzy, elle aime bien me voir. Donc je serais sans doute attirée par moi-même. Mais... Ouais, ça peut être intéressant, tu vois, si c'est des doublements, ouais, voilà. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est bien la zoothérapie, quelque part. Ouais, c'est ça. Madame la misère, écoutez le vacarme que font vos gens, le dos voûté, la langue bas. Quand ils sont assoiffés, ils se saoulent de larmes. Quand ils ne pleurent pas, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des enragés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois. Régler son compte à Monseigneur éphéméride qui a pris leur jeunesse et l'a mise en séride. Il ne leur restait que ça. Madame la misère, écoutez le tumulte qui monte des bas-fonds comme un dernier convoi, traînant des mots d'amour, avalant des insultes et tenant par la main leurs colères adultes afin de ne les perdre pas. Ce sont des enragés qui dérangent l'histoire et qui mettent du sang sur les chiffres parfois, comme si l'on devait toucher du doigt pour croire qu'un peuple heureux rôtant tout seul dans sa mangeoire vaut bien une tête de roi. Madame la misère, écoutez le silence qui entoure le lit des faits des magistrats. Le code de la peur se rime avec potence, il suffit de trouver quelques pendus d'avance. Choisir, est-ce que tu fais le même chemin? De quoi? Le chemin de ta vie? Ah non, il y a des choses que je ne ferais pas pareil. Ouais, maintenant que je l'ai fait, okay. Tu vois, sur le coup, je pense que tu... sur le coup, tu peux pas faire autrement, ou tu sais pas comment faire, etc. Mais tu vois, si il s'agissait vraiment, on était dans le refaire... Ouais. Là, non, il y a des choses que je ne ferais pas pareil. Je perdrais moins de temps avec certaines personnes. Il y a des trucs que je ne ferais pas. Il y a des trucs que je ferais. Oui, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Donc, tu as déjà fait le bilan de tout ça? Bah, tu vois, j'ai... Oui, parce que, moi, j'essaie souvent de faire des bilans avec moi-même. Ah oui? Voir, là, par exemple, on est dans un moment où je suis dans une forme de bilan, où je me dis, bon, ben, maintenant, là, je vois qu'il y a des choses qui me conviennent et des choses qui ne me conviennent plus du tout. Donc, comment je fais pour modifier ces choses qui ne me conviennent plus du tout? Donc, mais je le fais souvent. Enfin, pour justement, c'est ça aussi qui me permet... trouver des solutions et d'avancer et de me sentir de nouveau bien. En fait, ce que tu fais en réfléchissant sur le moment présent, c'est de voir s'il y a un boulet, si tu peux l'enlever pour aller plus vite. Oui, c'est ça, ouais, aussi, ouais. As-tu beaucoup de projets? Alors oui, j'ai des projets, mais pour l'instant, je mets tout en stand-by parce que j'ai surtout le projet de me reposer. Ok. Et c'est un beau projet. Ouais. Prends soin de soi. Ouais, et c'est surtout ça. De rencontrer les amis et les proches. Ouais. pour se ressourcer. C'est ça. Bah, tu vois, là, je sentais que j'avais du mal à lâcher, comme je te disais, que pour moi, c'est le meilleur signe qu'il faut lâcher. Ouais. Parce que sinon, tu n'avances plus. Non. Non. Et je pense que, voilà, on n'a jamais les bonnes idées quand on est épuisé. Tu vois, on ne prend pas les bonnes décisions, donc vaut mieux... Laisser l'eau se calmer. Ouais. Ouais, c'est ça. Félix Leclerc disait, qui est un chanteur, un auteur, compositeur, interprète québécois, il disait, lorsque on n'avance plus, c'est comme l'eau, il faut la laisser reposer et le sable va descendre. Et lorsque tu vas reprendre de l'eau, ce sera limpide et pur. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça, tu vois. Moi, c'est vrai que, justement... En ce moment, ça m'a fait beaucoup rire que tu poses cette question de est-ce que tu trouves pas que tu manques de reconnaissance. Et justement, moi, tu es fin psychologue, parce que moi, je travaille là-dessus en ce moment, tu vois, sur le fait que justement, j'ai le sentiment de ne pas assez être reconnue. Et je me dis, ben, pour l'instant, en fait, je ne sais pas encore comment faire. Et en fait, j'ai décidé de ne pas répondre à cette question. Et tu vois, de me reposer et que la réponse, elle viendra d'elle-même, en fait. Ouais. Mais ouais, voilà. Donc, ça sera peut-être plus aussi en me disant, ben, tu vois, si ça se trouve, ça va venir de moi en me disant, ben ouais, en fait, je m'autorise moi-même à me reconnaître, à reconnaître ma valeur. La légitimité de ton travail. Tout à fait, ouais. Ouais. Ouais. Sonia, très heureux de t'avoir revu. Bah, moi aussi. C'était pas prévu et c'est ce qui fait les plus belles rencontres. C'est ça. Et non, mais c'est vrai, on se suit depuis 10 ans. Ben ouais, c'est génial, hein? Oui, et des fois, je vois que tu fais des trucs qui peuvent me parvenir, comme le travail que tu as fait sur Rimbaud. Ah! Et je me suis rendu au kiosque à Revue et à Journaux et je l'ai acheté avec... et il est tout vieux maintenant, même après 5 ans, parce que moi, je tourne mes pages, j'ai beaucoup de vie dans mes revues. Mais ça reste une belle référence, parce qu'en fait, tu éclaires un poète que j'adore, et tu fais intervenir plusieurs visions, et ça donne l'image globale de ce que pouvait être un beau. Ouais. Bah écoute, merci, parce que j'avais vraiment adoré le faire, et Rimbaud, c'est un de mes poètes préférés. Enfin... c'est sûr que quand je l'ai lu, excuse-moi, je suis un peu distraite parce qu'il y a plein de jolis petits chiens qui arrivent oui, et oui, je les regarde, oui, ils sont trop mignons. Et du coup, après, c'est difficile de parler de Rimbaud. Oui. Peut-être que c'est réincarné. Peut-être, c'est Rimbaud réincarné. Mais oui, en fait, pour moi, c'était un poète vraiment hyper important, enfin, qui m'a donné envie d'écrire, comme à beaucoup. Hein. Et en même temps, quand on lit sa biographie, ça fait beaucoup réfléchir. Oui, parce que c'était très concentré. Ah ouais. Et puis aussi parce que c'est quelqu'un, semble-t-il, qui a été beaucoup dans l'autodestruction. Ouais. Aussi dans son rapport à son œuvre. Hein. Finalement, Rimbaud, c'est pas tellement lui qui a fait pour son œuvre. C'est les autres, ouais. Verlaine notamment. Et du coup, c'est vrai qu'il a un côté très poète maudit, et en même temps, c'est un archétype, et en même temps, on peut être créatif et créer des très belles choses sans non plus mener une existence en se brûlant les ailes comme il l'a fait, quoi. Puis Jim Morrison s'est beaucoup identifié aussi à Rimbaud, même sa poésie. Je me suis procuré un livre, Rimbaud, Jim Morrison. Et, ah oui? La version de Rimbaud est là, la version de Jim Morrison. Et on voit que l'autre était vraiment une source importante dans son livre. Ben, c'est clair. La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime.

voilà, ces vies, ces êtres magnétiques, incroyables, blessés ouais. qui vivent très très vite, qui s'autodétruisent et, ouais. Et voilà, qui laissent derrière eux une œuvre fascinante. Mais bon, en même temps, malheureusement, il y a un côté aussi où, tu vois, c'est un peu le problème quand on est auteur et créateur, c'est-à-dire que, tu vois, il y en a qui rigolent en disant, bah finalement, en fait, on devient lucratif une fois qu'on est mort, quoi. Mais on est reconnu. C'est ça. Et en fait, et bon, heureusement, c'est pas toujours le cas. Il y a plein d'exceptions. Bah, il y a plein de gens qui vivent de leur métier, ouais. De leur vivant. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Donc voilà. Mais en fait, c'est vrai que. Enfin, voilà, ça peut poser des questions sur notre rapport aussi. Pourquoi est-ce qu'on est tellement fasciné par ces personnages qui s'autodétruisent aussi? Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être une réponse. Souvent, c'est que les gens qui ont une fixation sur eux ne tiennent pas vraiment à prendre ce chemin-là, mais ils sont respectueux oui. de l'audace. Oui, de c'est ça, ouais. Ouais. Ouais. Nous avons une nuit comme ça, moi et moi, accoudés à ce bar devant la pierre allemande. Quand je nous y revois, des fois je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois. Richard, ça va ? Si les copains cassaient leur âme à temps pressé, le citron de la nuit dans les brumes pernaux, si les filles prenaient le temps de dire un mot à cette nuit qui les tenait, qui les berçait. À cette nuit, comme une sœur de charité, longue robe traînant sur leurs pas de bravade, caressant de l'ourlet les pâles camarades qui venaient pour parler de rien ou d'amitié. Richard. Ça va ? Nous avons une nuit comme ça, moi et moi, accoudés à ce bar devant la bière allemande. Quand je nous y revois, des fois je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois. Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous, avec des problèmes d'hommes. Simplement. des problèmes de mélancolie. Alors, on boit un verre en regardant loin, derrière la glace du comptoir. Et on se dit qu'il est bien tard. Qu'il est bien tard. Richard, encore un petit pour la route. Richard, encore un petit, vite fait. Monsieur Richard, le dernier, pour la route. Merci. Chacun sa réponse. Oui, puis, chemin, ouais. Puis surtout chacun son chemin. C'est ça. Ouais. C'est ouais. Chacun sa route, chacun son chemin. Oui, ouais, c'est une chanson. Oui, ah, c'est ouais, ça. Bah, ouais. Mais c'est aussi la spécificité. On est unique, donc vivons sur cette unicité-là. Ouais, il n'y a rien sûr. De pareil. Ah, mais c'est clair, ouais. C'est clair. Ouais. Ben, c'est vrai, tu vois, et puis c'est... En fait, tu vois, moi, ce que je trouve assez triste souvent, c'est qu'il y a cette idée que... cette recherche, en fait, du drame à travers l'écriture. Ouais. La souffrance. La souffrance, ouais. Alors que on peut écrire de très belles choses. Tu vois, moi, par exemple... Alors, c'est pas un poète, mais c'est un peintre. Tu vois, moi, j'aime beaucoup Matisse parce qu'il y a énormément de joie dans son travail. Je sais pas si c'était quelqu'un de joyeux, mais en tout cas, dans son travail, il y a... La ludicité. Ouais. C'est très ludique. C'est ça. Ouais. Et en fait, il y a plein d'auteurs qui sont joyeux. Et moi, ce qui me fatigue beaucoup, c'est la fascination pour les auteurs tristes et dépressifs. Ouais. Qui en fait, quand on les lit, ben, tu vois, alors certes, ils éclairent le monde d'une certaine façon et des mécanismes. Tu vois, je dis pas que, tout n'est pas bon. Enfin, il s'agit pas de tout rejeter, mais je trouve ça très triste qu'on soit tout le temps en train d'admirer des gens en fait qui sont beaucoup dans une forme d'autodestruction ou de destruction, de maltraitance des autres. Et qu'en fait, ça soit des paroles à qui on donne plus de poids que d'autres personnes qui éclairent le monde autrement, en fait. Oui. Avec plus de réalité, plus de vraisemblance que les autres qui ont pris un chemin un peu plus sombre, un peu plus machiavélique. Aussi, ouais. Donc, voilà, moi, c'est vrai que... Et puis souvent, tu vois, la posture contemplative ou la posture, d'être bien avec soi-même, en fait... C'est un luxe, hein? Ouais, c'est un luxe. Et en même temps, je pense que ça passe par un détachement vis-à-vis de la reconnaissance extérieure, hein, ouais, aussi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est-à-dire que, tu sais, tu as cette fameuse phrase là, d'Oscar Wilde, « La seule histoire d'amour qui dure toute la vie, c'est avec soi-même », et c'est vrai, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Et heureusement qu'il y a des phrases comme ça qui nous traversent la vie, parce qu'on s'y approche. Ouais, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir de parler aussi, avec toi. Moi aussi, bonnes vacances, profite-en. Merci. Oublie tout. Oui, ressource-toi. Ah ouais, là, je vais tout oublier. Ouais. À la revoyure. C'est ça, à la revoyure, Renald. Merci. Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est